Deux compétitions majeures de patinage de vitesse sur contre-piste en fin de semaine qui se déroulaient, une à Sherbrooke et l'autre à Donnacona. Beaucoup, beaucoup de patineurs du secteur est en action. Et pour en parler, ben, du côté un petit peu plus du côté des patineurs qui sont un petit peu moins avancés que les Marianne Saint-Julien, Cassandra Bodette et autres, on parle avec notre collaborateur David Simard. Salut David! Bonjour. David, effectivement, c'était d'abord la compétition. On va commencer avec la compétition qui se déroulait à Sherbrooke. Il y avait plusieurs patineurs, évidemment, les Maude Tremblay, Rosalie Tremblay. Il y avait également Karina Momini qui appartient et qui vient de Dolbeau également, et Flavie Laroche-Roy. Il y en avait d'autres également qui étaient là. Qui est en action là-bas? Oui, il y en avait plusieurs. En Ouais. fait, nous, cette compétition-là, c'est l'élite 3. C'est une compétition qui est 2 semaines avant une grosse compétition majeure à Calgary la semaine prochaine. Okay. Donc, les juniors, fait que pour nous, c'est une bonne compétition de préparation en vue de cet événement-là. On a eu des très bons résultats à ce niveau-là. En commençant, on a une Rosalie Tremblay qui est arrivée 10e. Très bonne performance après un tour de compétition. J'ai subi des commotions cérébrales l'année passée. C'est la première fois qu'elle compétitionnait vraiment, là, si on pourrait dire. Fait que très bon résultat. Puis aussi, elle a eu un petit problème de santé aussi qui l'empêche de patiner l'année passée. On a Maude Tremblay qui est arrivée 15e, donc ce qui représente bien son classement présentement au niveau national. Très OK. intéressant. Rosalie, elle se trouve-tu, c'est elle, Rosalie, qui était là, voilà, 2 ans au championnat junior, hein? Oui, elle avait fait les monts, c'est vrai, elle Ouais, avait fait les monts c'est ça, je me juniors. rappelle très bien. Elle a eu des problèmes, en tout cas, des problèmes de santé qu'elle n'a pas pu compétitionner durant un an environ. Elle a compétitionné parce que c'est là, mais c'était pas les grosses intensités. Puis là, cette année, elle est pas mal à 100%. Fait que ça, c'est une autre patineuse qui revient à la compétition, qui devrait être très bonne les prochaines semaines. OK. Presque. C'est sûr qu'on a des Karina Momini et Flavie qui sont arrivés 22-23. Eux, c'était vraiment des disqualifications des chutes, mais ça y a amené. Eux ont travaillé beaucoup sur des stratégies différentes de l'habitude pour les préparer la semaine prochaine. Très bonne performance de Marianne Guy, 25e. C'est une de ses meilleures cette année, même sa meilleure. Donc, une grosse amélioration. On partait vers les 40-50, là, rendu à 25. Donc, un gros bond vers l'avant. Quel âge qu'elle a, Plus de Marianne? confiance dans ce Quel âge réseau. Marianne, elle a 15 ans. Elle est Nos jeune patineuses encore, sont quand très même toutes jeune encore. jeunes. Ils sont en secondaire 4, la plupart, là. OK. Maude, Karina, Marianne, c'est des filles de secondaire 4. Très jeunes filles, fait que on va les avoir longtemps. C'est ça qui est intéressant. Ben Fait oui. qu'eux, ils prennent l'expérience, puis plus ils en prennent, mieux c'est. On avait Catherine Mailloux, je pense qu'elle n'a pas fait de la compétition. Elle voulait prendre un 5 semaines de break avant de partir. On a après ça Mélina Tremblay et Emmanuel Simpson. Eux, c'était une première expérience dans le réseau élite. Ils ont été invités parce qu'il y a des filles qui venaient pas à la compétition, fait qu'ils ont été invités, eux, à cette compétition-là. Mélina, 14 ans, une des plus jeunes, 34e position, très bien pour elle. Et Emmanuel, une de ses meilleures performances d'après moi à vie, là, un petit peu plus vieille, mais Emmanuel Simpson de Saint-Félicien aussi, une 36e position. OK. Donc, et par la suite, ben, c'est quand même intéressant. On peut-tu dire que c'est une pratique pour les Maude Tremblay, les Karina Momigny? Non, Karina, est-ce qu'elle y va? La plus. Ouais, je pense qu'elle y va pas, Karina. Maude, Karina et Flavie, eux, c'est un entraînement pour eux autres. OK. Même chose que pour Rosalie. C'est plus un entraînement en vue. Tu sais, oui, on a ciblé les 2 premières. Nous, pour se qualifier, il fallait pas bien patiner dans les 2 premières élites, puis faire après ça les qualifications nationales de la semaine passée, avoir des bons résultats pour permettre de se qualifier aux qualifications nationales juniors, aux sélections nationales juniors. En fait, c'est une compétition majeure pour eux. C'est eux qui vont déterminer un peu l'équipe nationale qui va aller dans les mondiaux juniors en janvier. OK. Donc là, pour eux, c'est plus important la semaine prochaine pour faire des points au niveau national. Bonne préparation, ça permet d'avoir des bonnes situations de course. C'est mieux qu'un entraînement en région. Ça nous permet d'avoir des meilleures choses. OK. Donc, et par la suite, il y avait Donnacona. Ça, c'est les plus jeunes encore. Il y avait une grosse Oui, en compétition fait, là-bas. Et, ouais. c'est le premier niveau de provincial, si on pourrait dire. Les OK. patineurs sont âgés entre 10 et 14 ans, mettons, là, dépendamment du patineur de l'âge. Du côté masculin, très bon résultat. Moi, je suis très surpris. En fait, moi, je regarde beaucoup les premiers groupes, le groupe 1 et 2. C'est un peu moi qui fais ma détection de talent pour les années futures. Puis, bon patineur ici, un Alexandre Simard qui est arrivé 3e de Saint-Félicien. Très bonne performance à 12 ans. Dans la région, en plus, on a un bon tableau dans ce groupe-là. Bonne performance pour lui, pour l'avoir connu aussi. On a Louis Moisan de Saint-Félicien aussi. Un peu le même patineur, j'ai connu peut-être des petites choses, puis d'habitude, il se maintient dans les positions de tête habituellement. Il est arrivé 10e. OK. Et après ça, on va tomber au niveau masculin, au niveau féminin. Au niveau féminin, nos patineuses sont très jeunes. On a, j'arrive justement là, au niveau féminin, on a un patineur de Dolbeau, Arnaud Bouchard, qui est arrivé cinquième dans le groupe 4. J'avais pas vu. Et au niveau féminin, on a d'autres, on a des très bonnes performances au niveau du groupe 2. Est-ce que c'est ceux-là qu'on J'arrive va juste voir aux ici. Jeux du Québec? Oui, dans cette catégorie-là, la plupart des patineurs vont aller aux Jeux du Québec là-dedans. Les premiers, comme le petit gars de Saint-Félicien tantôt, après ça, la fille que je veux dire aussi, là, ils vont pas mal aller. Comme Adriana Debien, à 10 ans, elle se classe parmi les bonnes du deuxième groupe. Elle ira peut-être pas aux Jeux du Québec cette année, mais dans les années futures, ça va bien faire là, de Saint-Félicien. Et Carrière Pagé, une fille qui est arrivée 10e. Ah, OK. Donc, Donc, ça, ça, c'est c'est. pas mal la catégorie. Tu sais, c'est un secteur que moi, je regarde beaucoup pour les Jeux du Québec cette année, là, je te dirais. On va avoir beaucoup de patineurs de la région qui vont être là. Ça risque d'être une bonne compétition, en fait. On a une sélection prochainement Ouais. pour justement les Jeux du Québec allemands. Ça, on va avoir le temps amplement de s'en reparler. Donc, Oh, oui. C'est encore en ouais. préparation. La compé n'est pas faite encore, là. C'est dans un mois, je pense, la compé pour eux. Ou après Noël. Donc, c'est une compé pour les patineurs régionaux qui va être importante pour eux. Là. C'est une des... Parce que là, il faut que tu fasses ta place. Ils prennent un par catégorie. Ça demande beaucoup de stress pour eux. C'est une première expérience stressante qu'ils vont vivre avec ces jeux-là, puis la préparation à ça. Donc, c'est prochaine compétition. Ben là, la semaine prochaine, je ne serai pas là. Donc, il y a quelques jours de vacances. Je pars à Philadelphie, mais la semaine Ah, moi prochaine. aussi, je suis à Calgary toute la semaine, c'est Ah, fait. OK. Donc, moi, c'est 3 jours à Philadelphie. C'est quand même pas si pire. Mais, donc, prochaine compétition, c'est Maude, c'est le 15 décembre, je pense, de ce coin-là, là, hein, c'est ça? Oui, autour du 15, 16, 17 décembre, Maude, Flavie, Karina et Catherine Mailloux. Donc, il y a quatre filles qui vont participer aux sélections juniors à ce moment-là. C'est une de leurs plus grosses compétitions dans l'année. OK. Ben, on s'en reparle pour cette analyse-là directement, soit de Calgary ou encore avec quelqu'un qui va venir. Oui, ben je reviens en vite lundi, fait qu'on pourra peut-être regarder plus le mardi. Je vais revenir dans la nuit OK. du lundi. Collaborateur de patinage à vitesse sur courte piste, David.